Salut Charline. Alors les deux critiques de théâtre là. Quoi, qui ça? Bah vous deux, vous êtes allés voir des pièces. Ah, ah oui, oui, oui. Nous on s'intéresse au travail des invités. Eh bah oui, nous on va au théâtre, on se fait des avis sur les pièces. Oui, on peut en parler de manière très pointue. Voilà. Vous voulez pas aller au Masque et la Plume plutôt? Oh, alors on pourrait. Figure-toi qu'on pourrait. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Alors, je dis. Alex, toi t'as été voir Kiki de Montparnasse. Oui. Mis en scène par Jean-Jacques Benex. On le reçoit jeudi. Alors quoi? Oui. Alors c'est bien. Oui, c'est bien parce que l'actrice est tout le temps à poil. Évidemment. Et toi Guillaume, toi t'as été voir la pièce avec Clara Morgan. Oui, oui, oui. Et alors c'est bien? Bof, pas top parce que l'actrice est jamais à poil. Donc Et aujourd'hui, c'est qui? C'est Arthur Junior. Et qui a été voir la pièce? Ah, bah personne, ça n'a pas commencé. On saura pas s'il a poil ou pas. Bah, on lui demandera. Non, on juge pas une pièce sur les feuillages des comédiens. Bah, je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, au Crazy Horse, les spectacles sont très bien et c'est pas toujours dû au texte. Bah, non, oui. Bah, puis non, vous n'allez pas lui demander enfin. Ok, ok. Imaginez un petit peu la tête de l'interview. Bonjour Arthur Junior, une question me brûle les lèvres. Dans votre nouvelle pièce, est-ce que vous êtes à poil? Mais non. Bah, d'accord, ok, tu feras une interview formatée comme tout le monde. Et pourquoi Arthur Junior, vous avez choisi ce rôle? Est-ce que ça vous rappelle votre enfance? Comment vous avez travaillé le rôle? Foutez-moi la paix, hein. Allez au Masque et la Plume si vous voulez pour parler de théâtre contemporain. Bah, très bien, on y va. En théâtre contemporain, en plus, on peut poser la question d'être nu sur scène. Ah oui, personne nous jugera pour ça. Voilà. C'est ça, voilà. Non, mais qui est-ce que ça intéresse de savoir si Arthur Junior est à poil ou pas, franchement, hein? Bah, nous. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui emploie l'actualité au noir. Et voici les trois informations qu'on ne va pas déclarer à la rédaction jusqu'à 18h. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Ça ne se bouscule pas pour voter au régional. Il faut donc un petit peu d'encouragement mutuel. Écoute Robert, si tu veux mon avis... Ton avis, quel avis? Tu as un avis? Et Robert? Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Le ministère de la Justice, c'est une énorme usine de travail au noir. Le gouvernement est donc au bon endroit pour être sanctionné lui-même. Ça se passe comme ça, à l'embauche au ministère. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir, mais... L'appareil dentaire qui vous a valu la honte de votre vie serait devenu à la mode. C'est trop le swag d'avoir des plaquettes. Bientôt en vente chez Chaumet ou chez Cartier. Oh, t'as vu Caillot ? C'est pas un appareil, c'est une centrale atomique qui l'ont installée. C'est drôle. Et je suis accompagnée de celui qui trouve sexy de porter un appareil dentaire. Il me l'a confié ce matin. Je me pose donc quelques questions sur l'âge des filles qu'il drague. Mais il est belge. Il est là, il est belge. C'est mon binôme, je l'aime. C'est Alex Vizorek. Ça balance. Mais c'est ce petit côté Lolita. Hein, voilà. Je vais vous présenter les gens autour de la table sans faire de commentaires sur ma vie privée. À 17h20, il est là tous les mercredis et tous les jeudis pour augmenter notre culture musicalo-philosophique de bruits improbables et de citations à l'origine approximative. C'est André Manoukian, bonjour. Vous ne croyez pas si bien dire, Alex et Charline. Il y a du matos. Oh, il y a du matos aujourd'hui. Sylvain Riflet et la musique minimaliste. Alors la musique minimaliste, c'est tout le contraire de moi. C'est-à-dire que c'est une musique avec très peu dit beaucoup. Alors moi, je dis beaucoup, mais... Il a son piano préparé devant lui. Ouais, à 17h30, il y a des journalistes encartés, car ils brossent les interviewés dans le sens du poil. Et puis, il y a des journalistes emplâtrés, car ils osent poser les bonnes questions. Lui, heureusement, n'est pas journaliste. Non, bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors attention, moi, je vous promets du rêve aujourd'hui. Je me suis rendu ce matin à l'Université d'été des experts comptables. On est quand même en conquête, voilà, donc on doit aussi chasser. Voilà, on étudiera les techniques de chasse du comptable. Et à 17h40, elle aime s'enivrer avec de la grande littérature. Mais s'il n'y a pas de livre, une bonne rasade de vodka, pas l'affaire. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Et ben moi, je vais m'occuper de vous de faire un truc qui serait à la fois entre la rentrée, hein, parce que ça compte la rentrée, et les choses qui font peur dans la littérature. Si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans Meilleur espoir féminin en 2000, quand il est réellement attribué à Audrey Tautou lors de la cérémonie des Césars. Vous mettez en scène un spectacle de magie, tout est écrit en 2005, quand le prince Charles épouse Camilla Parker Bowles, et là tout est écrit aussi. Vous êtes nommé au Molière pour Chat en poche en 2009, alors que dans le calendrier chinois, cette année-là, c'est le bœuf. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Arthur Junior. Oui, c'était ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Arthur Junior, bonjour. Alors, est-ce que vous jouez à poil? Je jure que c'est pas chiant. On pourra bientôt vous voir dans La Dame Blanche au théâtre du Palais Royal. C'est à partir du 10 septembre. La promesse, parce que la pièce n'a pas encore eu lieu, on n'a pas pu la voir. La promesse, c'est de faire peur, c'est de faire un thriller au théâtre. Alors, vous connaissant, il y a quand même du sourire, du rire. Quoi, est-ce qu'on va te dire non, on n'y va pas, ne pousse pas cette porte? C'est la promesse. C'est la volonté du metteur en scène. J'ai une image un peu rigolote. Enfin, je regarde Juliette Arnault que je connais bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Je peux être drôle. Mais non, là, vraiment, l'idée, c'est une pièce qui a un... ça ressemble à un film d'horreur, sauf que c'est sur scène. Donc voilà, c'est une histoire qui est tendue, un vrai thriller, et qui va être mis en scène avec des effets spéciaux avec des fantômes, des zombies, Est-ce que c'est un peu du Grand Guignol du coup? Oui, mais non, parce que le Grand Guignol, on est dans le rire, on est dans la... Là, il va avoir des rires, parce qu'il y a forcément, comme dans les films d'horreur, on va avoir un film d'horreur avec des copains, on fait ah, et puis après on rit pendant 22 minutes. De soulagement. Une sorte de soupape. En fait, je suis pas mort. Ça fait référence à la mythologique Dame Blanche, qui fait du stop et puis qu'on prend dans sa voiture et tout d'un coup qui disparaît. Oui. Moi, j'en connais au Bois de Boulogne. Elles sont rarement blanches. C'est rarement des dames. Cette Dame Blanche, c'est pas une crème glacée, c'est quoi, c'est qui? Non, en fait, oui, en gros, c'est l'histoire d'un type qui dit à sa maîtresse qu'il va quitter sa femme pour elle, il va voir sa femme, il se rend compte qu'elle est enceinte, donc il peut plus la quitter, donc il va voir sa maîtresse, il lui dit, bah non, je peux pas parce qu'elle est enceinte. Voilà, il s'engueule, il y a un accident, il tue sa maîtresse, voilà, ça part de là, et il cache son corps dans la forêt. Donc jusque-là, bon, c'est une histoire assez banale. Voilà. D'un mec avec une haute moralité. Tout ça arrivait. Sauf que ce qui est moins banal, c'est que ce jeune homme est gendarme. Ça se passe en Bretagne. Et il doit enquêter sur la disparition de cette femme. Ah, donc il est alcoolique. Aussi. Et il doit enquêter. Et le problème, c'est que sa vie va devenir un enfer parce qu'il va être hanté par le fantôme de cette jeune femme qui va devenir, qui va venir le hanter partout dans tout ce qu'il va faire. Et tout ça va être mis en scène dans un thriller absolu où c'est la descente aux enfers de cet homme que va suivre les personnages, et avec une interactivité dans la salle, avec des effets visuels. Et donc à la fin, plus personne ne va tromper sa femme. Ou alors, en tout cas, patiemment. Je me demandais, un thriller au théâtre, est-ce qu'on a envie de susciter la réaction auditive, je dirais, du spectateur? C'est-à-dire qu'un spectacle comique, on attend des rires. Est-ce que là, vous cherchez à faire... À surprendre le public vraiment? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Oui, bien sûr. Mais ouais. ça va aller jusque-là. Ça va faire peur aux gens. Donc, hommage à Wes Craven. Complètement. Complètement. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire que Scream, il y a des soupapes, on rit. Mais quand on est vraiment dans une salle et dans le noir, on peut... Voilà, c'est-à-dire quand le chat passe, on est rare. Mais oui, c'est l'idée. Alors, vous dirigez aussi le Petit Héberto et les Béliers à Paris et Avignon. C'est exact. Oui, alors plus le Petit Héberto depuis l'année dernière. Je barre. On va barrer. Voilà, c'est fait. Voilà. Et par contre, depuis 10 ans, le Théâtre des Béliers à Avignon et depuis 3 ans. Alors je voulais dire par là, vous êtes aussi un découvreur de talent. Ça fait partie du job, évidemment. Pas que de talent, parce qu'il y a Vizorek qui a joué au Petit Héberto. Qui a découvert ce cours. Vous travaillez au feeling. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous mettez votre casquette de directeur de théâtre? Complètement feeling et complètement j'ai envie de prendre du plaisir avec les gens avec qui je travaille, j'ai envie d'être épaté, j'ai envie d'être surpris. Je vois beaucoup de choses, et en fait, donc j'ai tout d'un coup j'ai des, je vais pas brosser dans le sens du poil Alex, mais que j'aime beaucoup. Ah, il y a un conflit d'intérêt, c'est-à-dire que vous plus vous connaissez maintenant, plus non, maintenant. Ah oui, d'accord, non, très bien. Mais... Non, parce que vous savez, les conflits d'intérêts, si on les dénonce, les pratiques, hein. Mais voilà, ce que j'aime, c'est d'être surpris, d'être emmené quelque part. Et moi, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est être surpris par ce que j'attends. Ah ben là, vous n'allez pas être déçu. Est-ce que ça veut dire un truc, ça, en fait? Je crois que ça veut dire un truc. On va tenter de vous surprendre, parce que sur France Inter, on a choisi les Jackson 5 pour vous, Arthur Junior. Impeccable. La Dame Blanche, c'est au Théâtre du Palais Royal à partir du 10 septembre. Vous nous direz ensuite si vous partez en région. C'est bientôt les régionales, c'est dans le thème. Allez, c'est parti. Yeah. 5. I want you back. C'est ce que je dis tout le temps à André Manoukian. Avec nous. Mais il n'y a pas que lui autour de cette table. Eh bien non, André Manoukian qui prépare son instrument. Le piano est prêt pendant une dizaine de minutes. Guillaume Meurice a été dans l'endroit qui fait rêver. Oui, oui, oui, ça fait rêver beaucoup de gens. Les universités d'été, des notaires. Des experts comptables. Des experts comptables, c'est encore mieux. Les notaires, c'est trop funky. Et Juliette Arnaud a lu des livres. À cette heure-ci, Arthur Juniot, nous avons une mission de service public qui est d'informer la France. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de journaux toutes les heures sur France Inter, mais parfois il y a quelques approximations. On va rétablir tout ça dans le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres de cette édition. Oui, on connaît depuis quelques heures le nom de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'est l'ancienne secrétaire d'État chargée de la ville du même gouvernement. Donc ils n'ont pas réussi à créer un seul emploi sur ce coup-là. Excellent départ. C'est la sœur de Sean Khomri. C'est excellent, on n'avait pas noté. C'est cadeau. Les titres toujours. Nous aborderons l'épisode 142 de la guerre civile chez les Le Pen. Jean-Marie veut venir à l'université d'été du FN organisée ce week-end. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen a fait savoir qu'elle s'y opposait. Pourtant, l'été reste une des meilleures façons de se débarrasser d'une personne âgée. Et en fin de ce journal, on se rendra en Belgique avec un record du monde qui a été battu. Et peut-être même deux records du monde, puisque je pense que de facto, quand vous allez savoir ce qu'on a battu, un autre record du monde est battu, celui du record du monde le plus con battu en Belgique. Et on commence cette édition avec la nouvelle ministre du Travail. Oui. On félicite pour son entrée en poste, Myriam El Khomri. Ah bah bien sûr qu'on la félicite. Trouver un beau travail comme ça, avec un nom pareil, en France. Sans transition, avec cette vanne raciste, oui. On passe à Marine Le Pen. Oui, oui, oui, on lui a demandé ce qu'elle pensait de la venue de Jean-Marie Le Pen à l'université du FN. Écoutez sa réponse. Bon, disons que c'est notre petite flemmaine personnelle, c'est la même méthode. La méthode qui consiste à venir là où vous n'êtes pas invité et où on ne souhaite pas vous voir. C'est exactement ce que font les femmes à un détail vestimentaire près. Quoi. Ah, femmaine. Dites-moi, moi, ça me plairait de voir arriver Le Pen nu sous sa parka. Oui, mais s'il fait ça dans la famille Le Pen, on en aura vu plus à poil qu'habillé. Voilà, tout ça nous donne envie de voter, bien oui, sûr. Oui, et bah coup de bol, Charline. Les délais d'inscription sur les listes électorales pour les élections régionales sont prolongés jusqu'au 30 septembre. Les services du gouvernement ont préparé une campagne publicitaire pour annoncer ça, pour vous donner envie de vous inscrire à la campagne parodie des pubs pour les soldes. Pour éviter toute confusion, précisons que ce nouveau délai d'inscription est également valable pour les hommes. Voilà, sans transition qui te va de misogyne. Région. Oui, cette information du Canard Enchaîné à Saint-Raphaël, la nouvelle discothèque vient d'être inaugurée et elle a été bénie par un prêtre. Voilà, et on peut boire du Ricard à l'eau bénite. Sport à présent. Oui, oui, oui, là, c'est encore vous. Ça, oui, c'est ça. Quand c'est en gras, c'est parce que moi, je suis très, très sport. Le journal des sports. La campagne pour financer les Olympiques de 2024 à Paris commence aujourd'hui et elle s'appelle Rêve de jeu. Oui, c'est un excellent slogan puisqu'en France, les Jeux Olympiques, ça tient quand même du rêve. Et on reste dans le sport. Vous nous l'aviez promis, Alex, un record du monde réalisé. Ça va être drôle, c'est ça? Oui, je suis content de vous en parler parce que là, j'ai dégoté un petit truc pointu. Record du monde battu ce week-end à Bastogne dans les Ardennes. Les Ardennes belges, on écoute la première réaction du capitaine de l'équipe à la fin de l'épreuve. Didier, ça va. Dur. On y est. On y est. Voilà, amis français, vous pouvez dire voilà, Nelson Montfort est un grand journaliste sportif. Ouais, Alex, vous n'avez pas dit de quelle discipline il s'agissait. Personne n'a trouvé, vous n'avez pas connu. Non, pas de la Zumba. Eh bien, nous avons ravi aux Américains ce week-end le record du monde d'épluchage de patates. Épluchage de patates. Alors, le son que vous avez entendu, c'était avant la pesée. Donc, le mec était tendu. On ne savait pas encore si le record du monde avait été battu. Et puis, 522,8 kg. Ah, en une heure, alors on est champion. Et je propose d'écouter vraiment, là c'est touchant, Céline Thériault d'après le record. J'aimerais encore une chose dédier cette victoire à Gilles Bonvie qui est malheureusement disparu la semaine passée, ça me tient à cœur. Et la deuxième chose, je l'offre aussi pour la ville de Bastogne parce que je pense que la pomme de terre est belge et d'autant plus qu'aujourd'hui on veut essayer d'amener l'Afrique au patrimoine UNESCO. On espère que ça va accentuer. Vous permettre justement de prouver que la frite est vraiment une culture belge. Et encore un grand merci au public qui est là. Merci à vous. Voilà. Vous entendez la foule? Il y avait un gros public pour ce record. Voilà. Merci infiniment, Alex. Jean-Pierre Pernaud vient d'appeler. Il a un poste de journaliste pour vous. Je prends à demain pour l'édition de 17h17. Allez, on vous accompagne jusqu'à 18h sur France Inter avec Arthur Juniau. Il joue bientôt La Dame Blanche au théâtre du Palais Royal. C'est bientôt, c'est le 10 septembre. Je ne sais pas s'il est tout à fait prêt. Vous êtes prêt? Je ne sais pas, je suis encore sur cette interview. J'imagine. Alors, écoutez, avec vous, Alex, vous êtes un génie. Mais écoutez, ce n'est pas moi. Parce qu'il y avait une grosse promesse, je me suis dit, et puis chèche de patate. Je me suis dit, oui, c'est rigolo, mais sans plus. Alors, si, et vous, vraiment, cette si interview, vous permettez de revenir au vrai sujet, je vous rappelle qu'on est une mission d'information. Bien sûr, évidemment. Même, et j'aimerais qu'on aborde. De s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, au pays de l'élection permanente. On vit quand même dans le pays de l'élection permanente, ça n'arrête pas. Mais pourquoi est-ce qu'une date de fin, on pourrait s'inscrire tout le temps? Pour gens comme moi qui sont nazes et qui oublient de s'inscrire, c'est bien. Ne répondez pas tout de suite. Ne répondez pas tout de suite. Parce que j'ai. Écoutez, moi j'ai écrit un texte et un son derrière, donc. Pour lancer le jingle. Voilà, donc au pays de l'élection permanente, la prochaine échéance, ce sont les régionales de décembre. Et pas qu'en PACA ou en Île-de-France, comme la presse tente de nous le faire croire. Ça, si je ne l'avais pas placé, ça m'aurait énervé toute la soirée. C'est du contenu. Le délai pour s'inscrire sur les listes est allongé par crainte de l'abstention. Quoique ne pas aller voter, c'est tellement français. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Choisir celui qui les fera crever. Moi, ces jours-là, je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de classe. Tous les systèmes sont dégueulasses. Voilà, un classique que Juliette Arnaud apprécie. Voilà, Renaud qui a appelé à voter François Mitterrand. Donc, Arthur Juniau, donc, vous avez oublié, vous n'êtes pas inscrit, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-elle? Moi, j'ai une info de retard, je suis toujours sur Renaud, parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur de tous les temps. Ah. Voilà, donc je suis content d'avoir entendu ça. Vous attendez son retour avec impatience, alors? D'accord. Allez, on va passer au donc, Arthur Juniau, vous êtes citoyen? Je suis citoyen, bien citoyen, sûr. Citoyen, jusqu'à combien de pourcents? Vous avez oublié de vous inscrire, c'est ça, pour les régionales? Oui, je suis naze, oui, complètement. Ouais. Non, mais je comprends pas bien. En fait, c'est-à-dire tout ce qui est municipal, présidentiel, je suis au taquet. Et le reste, ça devient. C'est pas compliqué, il y a un indice, en fait. Régional, il y a région. C'est comme présidentiel, il y a président. Il y a toujours un petit indice, en fait, dans l'intitulé de l'élection. Mais je comprends pas qui fait quoi, je comprends rien. Arthur Juniau, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire. Il y a des facilités d'inscription, parce qu'apparemment, il manque des gens. On a fait l'appel, il manque des gens. Sachez d'ailleurs, c'est un article paru dans le Parisien aujourd'hui, qu'il y a 6,5 millions d'électeurs qui sont inscrits dans la mauvaise commune à cause d'un déménagement, donc ça pose déjà des problèmes. Oui. Voilà, pour Rebsamen, ça vient d'être régularisé aujourd'hui à Dijon, il n'y a pas de problème. Mais vous avez jusqu'au 30 septembre, parce que, tiens, c'est facile, on peut le faire par Internet. Vous vous dites, allez, j'y vais, parce qu'il y a quand même un péril qui se dessine. Oui, alors j'essaye de. Juliette Arnaud me fait des signes, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Oui, je vais le faire. Non, je trouve ça très bien de faire ça quand on. On sait pas, je sais pas du tout, je comprends rien, je sais pas pour qui voter pour ces régionales. Ah, alors je vais vous dire par exemple, Paris, Île-de-France. Vous votez où déjà? Je vote à rue Aumer dans le 3e. D'accord, okay. Je demandais pas la rue, mais bon, Paris, ok, d'accord. Dans la région. Vous votez qui alors? Vous allez dans la mairie du 3e arrondissement? Non. C'est dans l'école à côté, c'est la rue Aumer, ce qui est assez rigolo. Bon alors attendez, déjà il sait où il vote, on avance étape par étape. Mais alors. Admettons que la droite extrême arrive, vous n'allez pas vous regretter de ne pas avoir voté Arthur Juniau? Bah peut-être il vote droite extrême. Hein, peut-être, donc, non mais bien sûr, non mais en plus je ne suis pas du tout pour l'abstention, je suis pour... C'est mal parti. Pour qu'on comprenne pour qui on vote. Et alors là, on vient de ruiner toute la campagne mise en place par le gouvernement, qui fait pourtant des efforts, Arthur Juniau. Ouais. Il y a notamment donc une campagne de pub qui parodie les soldes. J'ai plus suivi, par exemple, les emplois du ministère de la Justice. Ah, ben écoutez, alors, vous savez quoi? C'est le deuxième sujet. Ce sera le deuxième sujet. Continuez à dire ce que vous alliez dire, parce que ce sera l'objet du sketch de fin d'émission. Oui, ouais. Le gouvernement a mis en place une campagne de pub, de communication, on appelle ça pas la pour pub. Pour donner envie. De propagande électorale, pour que les gens aillent voter, aillent s'inscrire d'abord sur les listes jusqu'au 30 septembre. Une campagne qui parodie les soldes, ça c'est pour l'image, et un spot pour l'audiovisuel qui parodie les feux de l'amour. Donc au gouvernement, ils sont bien, bien, bien modernes. Du style non Cassandra, il n'est pas trop tard pour t'inscrire sur les listes. On en parlera tout à l'heure. Et ce sera l'objet du sketch. D'un petit sketch, voilà. On va reparler du deuxième sujet avec les emplois au noir. Là, vous allez tout à l'heure. Sujet qui vous passionne. En attendant... Je suis plus serein sur celui-là. Prenez le temps de réfléchir. Allez vous inscrire avant le 30 septembre. Et en attendant, c'est le moment d'André Manoukian. Ah oui, c'est du pipeau. Mais voilà. Mais oui, c'est du pipeau, Guillaume. Petit atelier de décryptage sonore du monde, numéro 3, Sylvain Riflet et la musique minimaliste. Oui, il y a des musiques de la joie. La flûte qu'on entend, de Jocelyn Mieniel, y est pour quelque chose. L'instrument du dieu Pan, pas plus dionysiaque que ça, c'est pas possible. Les percs aussi, dans ce groupe, elles sont fabriquées. Ce sont de métalliques machines infernales inventées par Benjamin Flamand, le batteur du groupe, qui produisent un découpage savant du temps en tranches de saucisson joyeux parfumé à la ganja de Saturne. Et ça produit une énorme boîte à musique cosmique, un engin à retourner vers le futur. Quand le monde devient une machine folle, il ne reste à chacun qu'à se bricoler sa propre mobilette de l'espace pour s'échapper vers d'autres planètes dont on sait qu'elles sont non seulement habitables, mais en plus bien plus agréables que la nôtre. La nouvelle vient de tomber il y a à peu près 2-3 mois. Le problème, c'est qu'on pourrait jamais y accéder physiquement. Il faudrait quelques 100 000 ans pour aller sur la plus proche. Alors autant prendre un raccourci... Surtout avec votre vélo pliable, André Manoukian. Ma mobilette de l'espace, autant prendre un raccourci spatio-temporel avec la musique de Sylvain Rivière. Par exemple, les machines sont les amies de l'homme dans le monde de Sylvain Rifflet. Elles sont comme d'immenses jouets avec des ressorts à spirale et des clés géantes. On les remonte à l'infini. Elles nous jouent des rondos en boucle, des petites valses sans fin, désuètes et délicieuses. Les machines n'asservissent pas Sylvain Rifflet parce que celui-ci a la clé pour les remonter. On a même plusieurs clés de sol, clé de fa, clé du troisième, ut quatrième. Vous savez ce que c'est la clé du troisième ou la clé du quatrième? Non, celle qui vient après la deuxième. Moi j'ai perdu la clé du quatrième hier, mais... Eh ben, c'est la quatrième ligne, ça veut dire que ça, c'est un do. Si elle est, c'est U troisième, c'est la troisième ligne, c'est un do. Donc, il faut c'est transposer. Comme la clé de fa, les deux points exactement, changent. Exactement, la clé de fa, le petit point, ça veut dire que c'est un... le fa est sur la deuxième ligne en partant du haut. Tout ça pour dire quoi? Que Sylvain Rifflet est un saxophoniste de jazz, mais qu'il est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique, autant dire polytechnique chez les musiciens. Alors quand on sait tout faire et tout orchestrer et qu'on choisit l'esthétique de l'attique, hein, trois informations seulement dans la nature, vous vous rappelez, je vous l'ai fait l'année dernière, j'ai pas recommencé. Bah oui, c'était même le 12 juin, je m'en rappelle. C'est ça, voilà. C'est-à-dire se faire accompagner par trois instruments seulement, eh ben, c'est qu'on a du style et surtout quelque chose à dire. Pas évident avec l'instrument de Coltrane et de Michael Brecker, le saxophone. Il faut avoir des balls plus grosses que des croches sur une partition pour faire moins quand on peut faire plus. Faire moins, en musique, ça s'appelle le minimalisme. Et là, mesdames et messieurs, on aborde un vrai mouvement musical. Charline, vous l'avez demandé, plus de fond cette année. Alors, instant du contenu, pédagogique. Voilà, c'est ça. La musique minimaliste est un vrai courant de musique contemporaine caractérisé par l'utilisation d'une pulsation régulière et la répétition de courts motifs évoluant lentement. Jusqu'ici, vous comprenez? Mais c'est passionnant. C'est tout à fait clair. Oui. Pour une fois qu'on comprend, non, il faut continuer. Alors, là. Un précurseur de ce mouvement fut le génial compositeur français Eric Satie qui, au début du siècle dernier, voyait ça comme, écoutez, un dépassement extatique du temps dans la répétition, dans l'obsession contemplative du même. On n'est pas loin du mantra bouddhiste, vous savez, on répète toujours la même phrase, pour qu'à la fin, il se passe quelque c'est chose. C'est une bonne idée d'avoir amené ce piano. Ouais. Ça a vraiment égayé la chronique, en tout cas. Cette répétition obsessionnelle du même répond au dernier mouvement musical contemporain qui s'appelait la musique sérielle. Okay, cette musique, elle naît dans les années 60 aux États-Unis. Avant, il y a la musique sérielle. Mais c'est quoi la musique sérielle? C'est, alors, on est au début du 20e siècle, dans les années 20. Anton Webern, musicien autrichien, déclare que c'en est fini du système tonal. Alors, c'est quoi le système tonal? Le système tonal, c'est quand on utilise la gamme à 7 tons. Ok? Puis là, si je fais n'importe quoi, ça produit quelque chose au fond d'assez mélodique. On est d'accord. C'est joli. Maintenant, si j'utilise les 12 demi-tons, c'est... Vous voyez, tous les chromatismes, ça fait 12 demi-tons. Mm-hmm. Et ben, à ce moment-là, ça fait un peu du Béla Bartok. Eh ben oui, sauf que Bartok faisait pas vraiment de la musique sérielle, mais tout d'un coup, on va utiliser les 12 demi-tons dans l'idéal, c'est de ne pas en répéter deux. C'est-à-dire que si je fais ça, ok, et d'une manière sérielle avec des séries. Donc, on commence à pour abolir la tonalité pour être en gros hyper moderne, on commence à faire chier un petit peu les gens. Parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose d'assez abstrait qui naît dans les années 20, qui va produire des choses. Les Américains, dans les années 60, ils disent « Nous, on va faire la même chose. On va faire des séries, mais finalement avec des mélodies toutes bêtes. » Et là, on peut remonter le bed. Ti-ti-ti. et sans arrêt. Et sans arrêt, ça va vous mettre dans une forme de transe et dans une forme de zen. La musique minimaliste reprend la loi des séries, mais les séries sont beaucoup plus sympas parce que tout d'un coup, on peut les chantonner. C'est une forme de naïveté spirituelle qui s'empare de nous. La musique pour Nietzsche, c'est quoi ? C'est la pulsation dionysiaque de la Terre. Et la pulse, elle est là, elle est sans arrêt. C'était un petit peu comme si je vous disais les Yoruba pentatoniques qui s'aiment éclaboussent les Beatles en se baignant dans la même eau que Wolfgang Amadeus Deleuze. Ça n'a aucun sens si je le dis qu'une seule fois. Mais si je le répète sans fin, un sentiment se dégage en ligne harmonique induite par cette fondamentale qui semble irrationnelle. Et petit à petit, je donne sens par la répétition à l'absurdité du monde. Les Yoruba pentatoniques qui s'aiment éclaboussent les Beatles en se baignant dans la même eau que Wolfgang Amadeus Deleuze. Les Yoruba pentatoniques qui s'aiment... Vas-y, balance Benjamin, s'il te plaît. Me laisse pas tout seul, là. Les Yoruba pentatoniques qui s'aiment éclaboussent. Et sûr que la musique de Sylvain Riflet, c'est trop top. Yes! Rentre, ça vous hein, ça fait presque un orgasme, on est d'accord? Clairement, parce qu'à force de tourner, mais on est tous trempés de sueur. Disons que les préliminaires étaient longs, on attendait la vraie fille. Mais c'est bon quand ça vient, on est d'accord. On peut remonter un peu la musique juste 20 secondes. Attendez, avec la batterie, l'orgasme. Yes. Attendez. Voilà. Oui, ça y est. Sylvain Riflet, n'oubliez pas. D'accord. Son album sort ces jours-ci chez Jazz Village. Et c'est on n'attend pas l'art. Après, il y a l'art dans un quart d'heure. Merci André Manoukian. Évidemment, toutes les références sont à retrouver sur notre site franceinter.fr. Une nouvelle découverte d'André Manoukian. Je peux juste demander à Arthur Junior en deux mots, vous pouvez résumer ce que... moins compris que l'ingénieur. Ça vous a donné envie de voter, du coup. Oui, du coup, je viens de m'inscrire sur Internet. Si ça vous a donné envie de voter, j'ai eu le temps. Je suis trop content. C'est hyper rapide, Internet. C'est hyper bien, je connaissais pas. On va vous donner l'occasion de comprendre le monde. Une chronique plus accessible, peut-être. C'est avec Guillaume Meurice. Oui, alors moi, je dis, je suis un petit peu stressé, parce qu'en fait... je dois vous avouer quelque chose et je sais pas comment vous allez réagir. Je vais faire un peu mon coming out professionnel. En fait, voilà, je me lance. En fait, voilà, j'ai fait un DUT de gestion. Voilà, je vous dis non. Voilà, jugez-moi, foutez-moi à la porte, mais tant pis, j'assume. Mon rêve, c'était d'être expert comptable. Mais bon, voilà, mes parents ont trouvé que c'était pas un métier stable, que c'était pas rassurant. Bon, ils m'ont forcé à devenir humoriste. C'est comme ça. Mais moi, mon truc, c'est les bilans prévisionnels avec amortissement constant. C'est les comptes de résultats en tableur croisé. Pardon, je suis hyper ému. Je suis hyper ému, d'autant plus que ce matin, je me suis rendu à l'université d'été des experts comptables à Paris. C'était magique, quoi. Toutes mes idoles étaient là. Il y avait plein d'ateliers, tous plus attirants les uns que les autres. Tiens, par exemple, commençons tiens, avec un premier expert comptable. C'est des mini-formations d'une heure et demie. Ce matin, c'était sur les holdings. Voilà. C'est passionnant, ça. Voilà, qu'est-ce qu'une holding animatrice ? C'est passionnant, ça a des implications fiscales. Ouais, c'était intéressant. Ouais, ça, tu m'étonnes que c'était intéressant, putain. Les implications fiscales des holdings animatrices. Mais moi, j'en ai rêvé de ça. Moi, quand j'étais gosse, j'avais des posters de holdings animatrices au-dessus de mon lit. J'avais des livres d'implications fiscales à colorier. J'avais des poupées avec la tête de Mario Draghi. Excusez-moi, mais ça remue vraiment beaucoup de choses en moi. Bon, je veux le dire, moi, les experts comptables, pour moi, c'est des génies. Je dirais même mieux, les experts comptables sont des poètes. Comme je le dis un peu... Derrière la santé, c'est le portefeuille qui est le plus important pour les gens. Et je me considère un peu comme le médecin du portefeuille. Oh putain, mais la beauté! La beauté de cette phrase, le médecin du portefeuille, le chirurgien du cash, le docteur du flouze, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour rendre ce monde plus beau. Merci les experts comptables. Alors je vois bien hein, vos sarcasmes, vos a priori. Oui, ce sont des gens tristes, austères, pff, non, vraiment n'importe quoi, quoi. N'est-ce pas ? L'expert comptable n'est pas austère de nature, il n'est pas austère. Ce n'est pas, c'est pas une austérité, au contraire, c'est passionnant. C'est vraiment l'esprit humain et il faut tempérer. Voilà, il faut tempérer. Lui, on sent qu'il faut je le tempérer. Je suis sûr que ce gars, il écoute de la musique minimaliste. Bien sûr. Ou il la fume, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, on sent qu'il faut le tempérer parce que sinon, il partirait en cacahuète direct. C'est des déglingos, ces mecs-là, d'accord ? Tiens, pour vous le prouver, je suis allé voir directement le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous allez voir ce que vous allez voir. Personnellement, je travaille à la boutique. Donc, à la boutique ? Vous vendez des produits dérivés des experts comptables ? Exactement. Il y a des cravates Snoopy et Dingo. On sait que les experts comptables sont un peu foufous. On ne vend pas de cravates, on vend des tasses à café. Et quels sont les motifs ? Les motifs, le logo de l'ordre. Oh là là là là ! Un mug avec le logo de l'ordre des experts comptables. Et franchement, mais c'est mon rêve. Si vous pouvez m'en offrir un pour mon anniversaire, franchement, je serais heureux. Ça irait tellement bien avec mon service athée de la Cour des comptes. Bravo. Enfin, bravo le Conseil supérieur. Et en plus, ils innovent. Pour les 70 ans, on a un super logo multicolore qui représente en fait donc les 70 ans de l'ordre. C'est cette année du 15 septembre au 8 décembre. Il va y avoir une teuf ? Il va y avoir plusieurs événements, oui. En fait, notamment ici, aux universités d'été, c'est le premier jour sur lequel on distribue les cartes à gratter. Donc on organise un jeu de grattage et de tirage. Le jeu de grattage, on peut gagner plein de lots, des adhésions à des clubs, club social, club fiscal, club développement durable. C'est génial. Mais c'est de la pure folie, là. Attendez. Vous imaginez un abonnement à un club comme le club fiscal? Mais le truc de balade que ça doit être, quoi. Les soirées de ouf qu'ils doivent organiser. D'ailleurs, des batailles de circulaires européennes sur les procédures dérogatoires, des défis d'optimisation financière à taux déductible sur 2 ans, des quiz sur les montants d'amortissement linéaire non indexés sur la TVA intracommunautaire. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'aimerais trop y être, quoi. Enfin, je m'enflamme, mais de toute façon, voilà, c'est foutu, je suis humoriste, je peux pas, voilà, maintenant, enfin. Bon, à moins qu'on puisse être à la fois expert comptable et humoriste. Alors, évidemment, on pense à Gad Elmaleh, hein, qui gère plutôt pas mal son pognon. Mais bon, il fait pas vraiment précisément de blagues d'expert comptable. Et c'est d'ailleurs bien dommage pour lui, parce que, écoutez celle-là. C'est un chef d'entreprise qui a un contrôle fiscal et le chef d'entreprise présente au contrôleur son expert comptable et il répond non. Je ne suis pas expert comptable, je suis expert en comptabilité. Voilà, c'est la fameuse blague qui tourne dans le... qui est reprise... Putain, mais la fameuse blague de l'expert en comptabilité. Mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. S'il est aussi bon expert comptable que Maurice, moi je suis fan absolu. Bon, puisqu'on vit dans un monde dirigé par le pognon, dépêchons-nous d'en rire avant d'être obligés d'en crever. Guillaume Meurice. C'est déjà un classique, celui-là. Juliette Tardot, ça vous a fait des choses, non ? Expert en comptabilité ? Oh ouais, mais moi, ça change ma vision de qui je vais épouser. C'est excellent. Arthur Géniaud, il y a un potentiel comique chez les experts comptables que vous n'aviez pas soupçonné, non ? Ouais, non, mais c'était... J'ai beaucoup de tendresse pour les... Il est aussi ému. Non, mais le papa de mon associé avec qui on a monté le théâtre des Béliers, qui est décédé, mais était expert comptable, il nous a aidés. Et il disait tout le temps ça, il disait « Je ne suis pas expert comptable, je suis expert en comptabilité. » Ah oui, donc c'est vrai. Ça doit être un seul blague. Enfin voilà, donc j'ai beaucoup de tendresse. On va rester dans un milieu connexe. On va traiter le sujet 2 avec vous, Arthur Géniaud. Le champion toute catégorie du travail au noir est... tout simplement, le ministère de la Justice. Donc ça veut dire en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il me reste 3 mois pour me retourner, quoi. J'ai ma préavis, quoi, c'est ça, d'accord, okay, ouais. Vous n'avez pas de préavis, vous, François, quand même. Ben, c'est mon droit, quand même, d'avoir des préavis, ça, quand même, Monsieur Serbi. C'est les lois. Ben ouais. Non, mais enfin, François, pour avoir des droits, il aurait fallu signer un contrat. Hein. Voilà, c'est une information du Canard Enchaîné parue ce matin. 50 000 personnes sont ou ont été des collaborateurs occasionnels du service public sans fiche de paye, dont 40 500 rien qu'au ministère de la Justice. Cette info, elle vous a un peu interpellé, Arthur Géniaud. Ah vous oui, êtes dit, mais quelle bonne blague. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Non, en plus, il y a quand même, au début, quand on lit le titre, on se dit, mais comment ils ont fait? Ils ont sorti des enveloppes d'argent. Il y a quand même des factures, enfin, il y a des traces. Oui, il doit y avoir des traces. Ils n'ont pas payé les charges. Exactement. Voilà, les cotisations sociales, tout ça. Ils se sont dit que ce n'était pas la peine. Non, mais alors. C'est compliqué. Moi, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise et c'est vrai qu'on est quand même. Voilà, c'est un Vous êtes vigilant alors. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est tellement, tout est tellement compliqué, on se fait tellement fliquer de partout. Que si eux ne donnent pas l'exemple, c'est compliqué. Ça va moins vous donner envie. C'est vrai, tout ça, faut montrer l'exemple quand même, les gars. Oui. Tout ça s'étale sur une période qui a vu passer 6 gardes des Sceaux quand même. Alors, on se dit que s'il y a autant de travail au noir organisé dans un ministère, finalement, c'est pas étonnant que la courbe du chômage ne s'inverse pas tellement. Donc, oui, je sais pas si c'est pas comptabilisé. Après, ils se disent tous quand ils passent, bon, ça va. Allez, je vais pas rester longtemps de toute façon. C'est pas moi qui vais sortir ça. Mais on sait qui les a embauchés, ça date de quelle époque? Alors, ça s'étale sur 6 gardes des Sceaux, donc depuis Dominique Perben, donc ça fait un petit moment. Ah, d'accord. Hein, voilà. C'est des missions en fait, c'est pas des gens embauchés, c'est pas des. C'est voilà, pas des, exactement. C'est alors, pas des permanents. On peut pas, par exemple, si on a commis un meurtre, avoir comme juge quelqu'un qui serait payé au moins. Le canard enchaîné donne des exemples. Le canard, alors je vous explique, il y a une mission d'inspecteur qui s'apprête à rendre un rapport complet sur ce système. Hein, on peut parler d'un système à partir de 50 000 postes au noir. Et le canard enchaîné a eu la primeur de ce rapport, et parmi ces gens employés au Black, il y a par exemple des médiateurs, des traducteurs et des enquêteurs sociaux. C'est, voilà, on aurait rêvé l'écrire, je ne sais pas comment, quoi vous dire, moi, sinon. La régularisation donc, va augmenter les dépenses de l'État, évidemment. Ah ben voilà. Et ben voilà. Ben voilà. Et qui c'est qui paye la courbe du chômage? C'est moi, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on le dit, paraît... ça, c'est de la morale. Non, mais François Hollande voulait faire baisser la courbe du chômage. Si on régularise ces 50 000 postes, ça fait beaucoup de mal. Ça va faire du bien. André Manoukian, vous êtes bien silencieux. Vous avez déjà employé des gens au Black? Non, non, moi, ce que j'aime dans les. Je repose, il y a une grosse chronique. Non, je sais pas quoi vous dire, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont des sérieux. Sinon, vous allez avoir un contrôle. Ah non, moi j'ai jamais embauché de gens au Black, non. Ah ouais. même pas une nounou. Non, non, mais vous les payez pas, vous, André. Non, mais c'est à dire que nous, dans la musique, on est aussi un peu des précaires, on est des intermittents du spectacle. Donc là aussi, c'est un drôle de système. C'est un système qui est bien aussi, mais qui a été un petit peu abusé, notamment dans cette grande maison qui est ici, par exemple, ou voilà, dans des maisons de production, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on tire sur tous les. On tire de tous les côtés pour essayer d'économiser un petit peu. Et puis voilà, alors, ici, à chaque chronique, il faut signer un contrat à Juliette Arnaud. Hein, ouais. Et ça dure très longtemps parce qu'il est très long. Voilà, donc à mon avis, c'est pas ici qu'attend de. Hein, je sais pas, maintenant, à cause de vous, avoir un contrôle. Donc, de toute façon, oui, il y a des gens avec nous sur Twitter, hashtag annule tout. Et Richard Reynos est expert comptable. Il nous écoute tous les jours et quand même a mis hashtag pas que des ringards. Donc, on le salue et on le désolidarise de tout ce qu'a dit Guillaume Meurice. J'ai dit la merde, j'ai dit que c'était fabuleux. Tiens, avant de passer le micro à Juliette Arnaud pour sa chronique, j'avais une question pour vous, Arthur Juniau. La Dame Blanche au théâtre du Palais Royal à partir du 10 septembre. Après, vous allez partir en région, parce qu'on parle toujours de pièces de théâtre qui commencent à Paris, etc. Et on a énormément d'auditeurs en région qui brûlent de savoir s'ils pourront vous voir. Est-ce qu'on peut le savoir déjà? A priori, si c'est alors, c'est prévu sur le papier. Après, il y a une scénographie qui est extrêmement lourde. Il y a un énorme décor sur une tournée, donc ils ont fait venir un énorme plancher. Enfin, donc il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui sont en train d'essayer de réfléchir à comment pour pouvoir aller faire voyager et monter en une journée, parce qu'après ça a des coûts énormes. Donc, mais c'est prévu dans un an et demi. C'est génial, le théâtre avec des effets spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en France. À Broadway, tous les théâtres sont équipés comme ça. Il y a des trucs de dingue qui se passent. Les comédies musicales à Broadway, à Londres, ont commencé à. Bon, voilà, un peu. C'est pour ça qu'elles ne viennent pas en région. Donc, là, ça commence à. Oui. C'est pour ça qu'on les voit pas à Limoges. Non, mais après, concrètement, c'est compliqué. Et Mylène Farmer aussi, c'est pour ça qu'elle va pas en région. Exactement. Mais puisque vous avez le crash foir, Juliette Arnaud, c'est le moment du livre. C'est votre moment à vous. Allez. Alors, voilà, ça y est, la rentrée scolaire a eu lieu. Les enfants sont consternés. Fini la rigolade, les barbecues, le rosé, les glaçons et les soirées jusqu'à point d'heure. Oui, Charline? Oui, non mais je me disais, c'est les enfants ne boivent pas de rosé? Ah bon? Bon, alors oui, je dois reconnaître que je ne m'y connais pas trop en enfant. Néanmoins, en l'honneur de tous ces petits qui reprennent les cours de français notamment, j'ai choisi de vous parler de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, dont, oui, je sais bien, on a tous un mauvais souvenir puisque c'était une lecture obligatoire, une purge. C'est aussi en l'honneur d'Arthur Juniau, de sa prochaine pièce, La Dame Blanche, à partir du 10 septembre, au Théâtre du Palais Royal, qui est un thriller fantastique. Pour installer un petit peu d'ambiance, musique s'il vous plaît, Craig Armstrong, le thème de Laura. Ça, ça peut être de la musique minimaliste si ça dure pendant des plombes. Ouais, alors je vais l'arrêter. la Vénus d'Il, mon cher Arthur. C'est aussi un conte fantastique. C'est l'histoire d'un inspecteur, général des monuments historiques, Mérimée avait lui-même ce titre dans la vraie vie, dont la tournée l'emmène à Il, petite ville des Pyrénées-Orientales, chez un notable, friand d'antiquité, qui vient de découvrir, la veille, dans son jardin, une statue et qui marie son fils le lendemain. L'inspecteur est donc invité à la fois à découvrir et à admirer la statue et au mariage. La statue dont on nous raconte la découverte par la voix du jardinier. Voilà donc qu'en travaillant, Jean Colle, qui y allait tout son cœur, il donne un coup de pioche et j'entends « bim !» pour de vrai. Comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis ? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de la terre. Moi, la peur me prend, je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier, faut appeler le curé !» Bon, deux morts, il n'y en aura pas, en fait, c'est la statue. Mais quand même, cette main qui sort des entrailles de la terre, comment ne pas penser à la dernière scène du film « Carrie » de Brian De Palma, 1976, au cours de laquelle, de la tombe de Carrie, vous savez, la vierge meurtrière, jaillit une main ensanglantée. Ça y est, vous l'avez tous en tête? Tout le monde est prêt à faire des cauchemars? On peut continuer. Le reste de la statue continue à n'avoir rien d'une promenade de santé. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs qui, par système, donnait à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées, dédain, ironie, cruauté se lisaient sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. Sous la statue est écrit « Kawe Amantem », ce qui en français veut dire « Prends garde à toi si elle t'aime ». Oui. Rien à voir avec les kawe alors du coup. J'allais dire « Oui, bravo Guillaume, je retire !» Je le reprends. « Oui Guillaume, je reconnais en vous l'homme de l'être et l'amoureux, comme dans Carmen. Et si je t'aime, prends garde à toi, c'est normal, Prosper Mérimée, c'est aussi l'auteur de la nouvelle Carmen. » Nous sommes prévenus, comme dans n'importe quelle histoire inquiétante, mais bien sûr, comme dans n'importe quel film d'horreur, il y a toujours un couillon pour pas écouter et pour proposer d'aller seul chercher des secours au fond d'une cave pourrie et sans une ampoule en état de fonctionnement. On se sépare. Et maintenant, séparons-nous. Le couillon, en l'occurrence, c'est le fils du notable, celui qui doit se marier. A une fille charmante, de bonne famille, jolie comme tout, mais c'est un couillon. Et donc, il est plus préoccupé par la dot de sa belle et par le jeu de paume auquel il excelle. Oui, on peut être un couillon et être bon en sport. Demandez à Forrest Gump. Ou à Karim Benzema. Ou à... Choisissez. Le matin de son mariage, au lieu de se tenir prêt et concentré, le bellâtre se lance dans une partie de jeu de paume et comme la bague qu'il va offrir à sa future et qu'il porte au doigt le gêne dans ses mouvements, il la passe à l'annulaire de la méchante statue. Oui, l'annulaire, Alex. Le doigt du mariage. Tout le monde a bien saisi le symbole. J'aime autant vous dire que ça ne va pas exactement lui porter chance. Mais je ne vous en révèle pas plus. Lisez La Vénus d'Il, ou relisez, hein, après tout, nous sommes à France Inter. Nota bene, pour les plus feignasses, gardez en tête qu'en plus d'être effrayant et ironique et impeccablement écrit, c'est un roman d'une grande brièveté, il fait 50 pages. Voilà, vous n'avez plus désormais aucune excuse pour ne pas accompagner les efforts de vos chères têtes blondes. Merci Juliette Arnaud, vous nous avez donné envie de le relire ou de lire. Moi, personnellement, ça n'était pas au programme en Belgique, donc je ne l'ai pas lu. Mais je ne sais pas qui c'est ce prospect. De toute façon, avec un prénom pareil, ça ne marchera jamais. D'accord, Youpla Boum, c'est le roi du pain d'épices. C'est tout ce que j'ai retenu. Très bien. Allez, nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Jugnot. Et avec vous, on va aborder le troisième sujet, puisqu'on trouve des solutions à chaque sujet. Autant continuer sur cette lancée, hein, n'est-ce pas? Par exemple, juste dans... cette Allez-y, chronique Arthur. Était redoutable. Bravo Juliette. Mais pour revenir à cette main, par exemple, à un moment, j'ai un bébé dans les bras et j'ai une main ensanglantée qui vient essayer de me tuer, qui sort du ventre du bébé. Voilà, qui sort du ventre du bébé. Voilà, ça, c'est, par exemple, ça fait partie de ce genre de choses qui arrivent dans La Dame Blanche. Tout ça au théâtre, ça du Palais Royal, bien. Sur les planches. Vous avez un stock de bébés alors. Un stock de bébés. Alors, nous sommes en 2015. Le bébé et nous... déclaré. Et nous sommes en... écoutez, chers auditeurs, on va les laisser. Et puis, on va trouver des solutions ensemble. Non, toi et moi. J'aime le troisième Moi et toi. Ah oui, je suis avec vous. Allez, on est en 2015 et nous vivons à l'ère où l'appareil dentaire est devenu un accessoire de mode. Ça va soulager pas mal d'adolescents. Mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la société que ça devienne à la mode. Mais pour certains individus, on ne nie pas que ce soit indispensable. Ah oui, puis alors elle est mignonne, elle a les dents du bonheur, comme ils disent. Hein. Bien écartée. Hein. À deux dents tous les 6 mètres. Hein, c'est pas... Ouais, mais quand elle te parle en face, il faut une montre étanche. Hein. Alors, elle pouvait être plus becquée, maintenant ils ont fait le portail en inox. Alors, allez, non. L'éternel vient de rien que l'embrasser, il faut déjà y aller. Hein. C'est que quand elles mangent des cerises, les noyaux sont pas fiers, hein. Voilà, il fallait pas boire à ce moment-là parce qu'on a craché sur la table. Alors, c'est une double page dans Libération de ce jour. Donc, il y a des chances que ça n'intéresse que les que trois arrondissements dans Paris. On va essayer de voir si c'est le cas ou pas. Non, mais c'est dingue. Mais là où cet article m'interpelle, c'est un moment où je lis « À la rigueur, c'est de ne pas porter d'appareil qui fait tâche de nos jours d'après les ados. » Et c'est Libé qui a enquêté quand même. Donc je me dis « Mais que se passe-t-il » Alors Arthur Junio, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait des personnalités, des stars qui portaient... pour le plaisir du fashion, des Moi, je respecte énormément les orthodontistes. Katy Perry, par exemple. C'est déprimant que Libération me fasse une double page sur ça. Oui, c'est un thème aussi de se dire que... Ouais, c'est vrai. Pardon. Non, mais vous avez raison. Alors, mais oui, non, j'ai pas fait attention. Mais il y a des gens très bien qui portent des bagues. Alors, ma mère a porté des bagues jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup ma mère. Juliette Arnoux, vous m'avez dit que Madonna en portait aussi. Oui, Madonna, il n'y a pas très longtemps, dans un de ses derniers clips, qui a passé 60 ans, je vous rappelle, bam, elle nous avait fait ça. Alors, eux, les rappeurs et Madonna, ils appellent ça un grill. Grills. Ah. C'est plus chic. Voilà, c'est la catégorie au-dessus, mais les ados. Mais il n'y a pas de raison, les ados, ils en ont tellement bavé. C'est bien que ça devienne un truc. Ah oui, alors si c'est un accessoire de mode, joli. Si c'est pour l'esthétique, ça coûte de 1000 à 8000 euros, et j'imagine que c'est pas remboursé dans ce cas-là. Il y a un W à 8 juste pour ça va. D'accord, très bien. Non, mais jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'un jour la jambe de bois va être à la mode? Enfin, c'est un peu flippant quand même, on ne sait pas. Oui, merci pour cette intervention. Mais je vous en prie. Je suis là pour ramener le débat un peu plus loin. J'imagine, parce que c'est pas très gentil ce que vous faites, parce qu'il essaye de dire quelque chose de pertinent sur un sujet où c'est pas évident. Je suis le seul et vous le taclez. De cette table. Alors, on suit le chemin des États-Unis où les adultes se font poser des bagues, parce que chez les ricains, porter un appareil signifie qu'on prend soin de soi. Ils sont plus hygiénistes que nous. C'est les fausses bagues. Oui, alors c'est pour le... C'est ah non, alors, le... non, là, non. Je pense que c'est vraiment pour un effort mais je comprends esthétique. Pas, parce que ça fait sale quand même un peu un appareil. Enfin, moi, je pensais c'est aussi. Un peu comme la barbe, ça, on voit la nourriture dedans, non? Oui, il y a la nourriture qui se coince quand même. Moi, je pense à donc ça. Donc l'effet hygiéniste me paraît ouais. Quand même un bah petit non, peu... Il y a les bagues intérieures qui se font ça très oui, bien, mais alors, ça n'a plus d'intérêt. Exactement, pour les adultes. Voilà. Donc ce sujet digne d'intérêt, bien sûr, est dans une double page de Libé. Ça fait voilà. Du papier. N'oubliez pas de le recycler après. À cette heure-ci, Arthur Junio, c'est un moment... Ah, c'est l'heure du sketch, je vous ai évidemment donné un rôle principal, un rôle important, puisque alors, j'ai vu que ça vous a passionné. Les délais pour s'inscrire sur les listes électorales ont été repoussés, et pour le faire savoir, c'était dans Le Parisien aujourd'hui, on nous annonce que l'État prépare des pubs qui parodient les soaps, qui parodient genre les feux de l'amour, pour justement vendre leurs produits. On écoute ce que ça pourrait donner. Jonathan, il faut que je te dise... Jennifer, pourquoi tu prends cet air sombre? Mais tu sais très bien pourquoi et pour quelle raison, Jonathan. C'est parce que je ne t'aime plus et que je suis partie vivre avec Kimberly? Non, Jonathan. Ah, c'est parce que je suis devenu ton beau-père en me mariant avec ta mère? Non, Jonathan, absolument fiche. Ah, c'est parce que j'ai tué ton père le jour où j'ai trouvé... Pardon, je découvre, c'est vraiment très drôle par le film. C'est parce que j'ai tué ton père le jour où j'ai... Je t'ai trouvé au lit avec Kimberly. Arrête de tourner autour du poteau rose, Jonathan. Tu sais pertinemment que c'est parce que tu n'es pas inscrit sur les listes pour les élections régionales. Je comprends, Jennifer, mais il y a quelque chose que tu ignores complètement. Mais quelle est cette chose, Jonathan? Grâce au gouvernement Valls, nous avons désormais jusqu'au 30 septembre pour nous inscrire sur les listes. Ah, mais c'est merveilleux! Du coup, il n'y a plus aucun obstacle à notre amour. Salut, Jonathan. Mais Jennifer... Pourquoi Brian sort de ta chambre? Parce qu'on a passé une belle soirée. Michael aussi? Mais d'où tu sors? De Jennifer. Mais Jennifer, rien ne sera plus possible entre nous. Tu as deux amants. Oh, je te rappelle que tu es avec Kimberly et que tu as épousé ma mère et tu es mon père. Ça vaut bien deux amants. Très bien. Mais avant toute chose, je veux la vérité. Michael, Brian, est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales pour les élections régionales? Oh non. J'ai oublié. On a oublié. Eh bien, c'était pas grave, car vous avez jusqu'au 30 septembre. Eh, c'est mortel, sans déconner. Si avec ça, bien. On n'a pas des nombres d'inscrits qui augmentent, je sais pas quoi faire. Là, moi, j'ai envie de m'inscrire pour les régionales. Moi, je pense que nous venons aussi. De trouver une solution à la baisse du taux d'abstention pour les élections régionales des 6 et 13 décembre. Ah ouais. Et le gouvernement peut nous remercier. Mais ça, il faut nous donner à lire avant, parce que c'est beaucoup trop drôle. Ah, mais c'est tout le jeu, et merci de l'avoir joué. C'était très fort, c'était... Arthur Juniau avec nous. Merci d'avoir passé cette heure de rigolade et d'information. On rappelle que La Dame Blanche, c'est au Théâtre du Palais Royal à partir du 10 septembre et plus en région, si affinité et mini décor à emporter sur soi. Voilà. Et musique minimaliste. Et musique minimaliste. En quantité évidemment. Industrielle. Merci Guillaume Meurice, Juliette Arnoux, André Manoukian, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Jean-Jacques Benex et Des femmes à poil dans sa pièce de théâtre. Bah, c'est ça, si j'ai bien seule, compris. Voilà. D'ailleurs. Le mot de la fin aux indécis qu'on encourage donc vivement à s'inscrire sur les listes électorales. Écoute Robert, si tu veux mon avis... Ton avis, quel avis? Tu as un avis? Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien.